Les moutons. Poil de carotte n'aperçoit d'abord que de vagues boules sautantes. Elles poussent des cris étourdissants et, mêlées comme des enfants qui jouent sous un préau d'école, l'une d'elles se jette dans ses jambes et il en éprouve quelque malaise. Une autre bondit en pleine projection de lucarne. C'est un agneau. Poil de carotte sourit d'avoir eu peur. Ses yeux s'habituent graduellement à l'obscurité. Et les détails se précisent. L'époque des naissances a commencé. Chaque matin, le fermier Pajol compte 2 ou 3 agneaux de plus. Il les trouve égarés parmi les mères, gauches, flageolant sur leurs pattes raides, 4 morceaux de bois d'une sculpture grossière. Poil de carotte n'ose pas encore les caresser. Plus hardis, ils chuchotent déjà ses souliers ou posent leurs pieds de devant sur lui, un brin de foin dans la bouche. Les vieux, ceux d'une semaine, se détendent d'un violent effort de l'arrière-train et exécutent un zigzag en l'air. Ceux d'un jour, maigres, tombent sur leurs genoux anguleux pour se relever plein de vie. Un petit qui vient de naître se traîne, visqueux et non léché. Sa mère, gênée par sa bourse gonflée d'eau et ballottante, la repousse à coups de tête. « Une mauvaise mère !» dit Poil de carotte. « C'est chez les bêtes comme chez le monde !» dit Pajol. « Elle voudrait sans doute le mettre en nourrice. »« Presque !» dit Pajol. « Il faut à plus d'un donner le biberon. Un biberon comme ceux qu'on achète aux pharmaciens. Ça ne dure pas. La mère s'attendrit. D'ailleurs, on les mate !» Il la prend par les épaules et l'isole dans une cage. Il lui noue au cou une cravate de paille pour la reconnaître si elle s'échappe. L'agneau l'a suivie. La brebis mange avec un bruit de râpe et le petit, frissonnant, se dresse sur ses membres mous et cède tété, plaintif, le museau enveloppé d'une gelée tremblante. « Et vous croyez qu'elle reviendra à des sentiments plus humains ?» dit Poil de carotte. « Oui !» Quand son derrière sera guéri, dit Pajol, elle a eu des couches dures. Je tiens à mon idée, dit Poil de carotte. Pourquoi ne pas confier provisoirement le petit à une étrangère? Elle le refuserait, dit Pajol. En effet, des 4 coins de l'écurie, les bêlements des mères se croisent, sonnent l'heure des tétés et, monotones aux oreilles de Poil de carotte, sont nuancées pour les agneaux. Car sans confusion, chacun se précipite droit aux tétines maternelles. « Ici, dit Pajol, point de voleuse d'enfants. »« Bizarre, dit Poil de carotte, cet instinct de la famille chez ces ballots de laine. Comment l'expliquer? Peut-être par la finesse de leur nez. Il a presque envie d'en boucher un pour voir. Il compare profondément les hommes avec des moutons, et voudrait connaître les petits noms des agneaux. Tandis qu'avide ils sucent, leur maman, les flancs battus de brusques coups de nez, mange, paisible, indifférente. Poil de carotte remarque dans l'eau d'une auge des débris de chêne, des cercles de roues, une pelle usée. « Elle est propre, votre auge » dit-il d'un ton fin. « Assurément, vous enrichissez le sang des bêtes au moyen de cette ferraille. » « Comme de juste !» dit Pajol. « Tu avales bien des pilules, toi !» Il offre à Poil de carotte de goûter l'eau. Afin qu'elle devienne encore plus fortifiante, il y jette n'importe quoi. « Veux-tu un berdin ? » dit-il. « Volontiers !» dit Poil de carotte sans savoir. « Merci d'avance !» Pajol fouille l'épaisse laine d'une mère et attrape avec ses ongles un berdin jaune, rond, dodu, repu, énorme. Selon Pajol, 2 de cette taille dévoraient la tête d'un enfant comme une prune. Il le remet au creux de la main de Poil de carotte et l'engage, s'il veut rire et s'amuser, à le fourrer dans le cou ou les cheveux de ses frères et sœurs. Déjà, le berdin travaille, attaque la peau. Poil de carotte éprouve des picotements aux doigts comme s'il tombait du grésil. Bientôt, au poignet, il gagne le coude. Il semble que le berdin se multiplie, qu'il va ronger le bras jusqu'à l'épaule. Tant pis, Poil de carotte le serre, il l'écrase et essuie sa main sur le dos d'une brebis sans que Pajol s'en aperçoive. Il dira qu'il l'a perdu. Un instant encore, Poil de Carotte écoute, recueilli, les bêlements qui se calment peu à peu. Tout à l'heure, on n'entendra plus que le bruissement sourd du foin broyé entre les mâchoires lentes. Accroché à un barreau de râtelier, une limousine aux raies éteintes semble garder les moutons toutes seules.